toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, LNG Electrabel. La première. 16h. Votre journal, Pierre-Yves Meugens, bonjour. Bonjour à tous. La justice a tranché, elle autorise les reçus collés de Namur à s'inscrire en deuxième année. L'université de Namur doit inscrire en deuxième ses étudiants qui ont obtenu plus de 45 crédits. Voilà la décision rendue ce mardi après-midi par la justice namuroise. C'est une nouvelle bataille judiciaire remportée par les fameux reçus collés, donc ces étudiants en médecine qui ont réussi leur première année mais qui ne sont pas classés en ordre utile au concours et qui ne pouvaient donc pas poursuivre leurs études. D'où leur décision à l'époque d'intenter une action en justice. Un soulagement pour eux, écoutez. On est très contents, on est fatigués, on s'est battu toute l'année pour travailler dans une ambiance pas sereine non plus parce qu'il y avait beaucoup de compétition. Mais voilà, ouais, soulagée, fatiguée et contente et très motivée pour cette année, en tout cas. Concrètement, vous allez vous inscrire demain à l'université? Dès ce soir. Dès ce soir, je vais rentrer, je vais pouvoir assister aux cours légalement, je vais pouvoir assister au TP. Donc ça, voilà, soulagée. Des réactions accueillies par François Louis. Grande mobilisation ce mardi des opposants au TTIP et au CETA, le traité de libre-échange avec les États-Unis et avec le Canada. La manifestation réunit aussi bien les agriculteurs, les syndicats, les ONG, les individus, les militants ou de simples citoyens. Après cette manifestation dans le quartier européen, une nuit debout prendra le relais non loin, du rond-point Schuman. Demain, le Parlement wallon fait sa rentrée, une rentrée marquée par une série d'innovations. Le but que poursuit le président de l'Assemblée, André Antoine, c'est de combler le fossé grandissant entre le citoyen et le personnel politique. On ne peut plus se contenter de consulter le citoyen tous les 5 ans, le jour des élections, dit-il. Cette rentrée est donc placée sous le signe de l'ouverture aux citoyens. On écoute André Antoine. Nous avons déjà introduit, vous le savez, les pétitions, les contributions publiques. Nous allons franchir un pas supplémentaire, une commission citoyenne tiré au sort, qui invitera ses citoyens à œuvrer à côté d'experts et d'hommes politiques, notamment sur la question du vieillissement. C'est par exemple le député en direct qui aura son propre studio de télévision pour interagir sur les réseaux sociaux. C'est aussi la démocratie commune où nous allons accueillir de nombreuses délégations des communes pour parler de démocratie, pour parler de participation citoyenne. Et enfin, une foire aux idées, Best Wallonia, un peu à l'instar du film Demain, récolter les bons projets, les bonnes idées pour la Wallonie et les partager avec les hommes politiques pour améliorer la Wallonie. André Antoine au micro de Carl Defoy. Au chapitre international, une offensive contre les djihadistes en Irak pour prendre le contrôle d'une localité vers Mossoul, une localité clé pour tenter de récupérer cette dernière grande ville d'Irak encore aux mains des terroristes. La Syrie replonge dans la guerre avant une réunion cruciale à New York aux Nations Unies. Un raid meurtrier a entraîné d'ailleurs la suspension des convois d'aide humanitaire. À New York, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lancé un nouvel appel à la fin des combats sur le terrain. Il souhaite le début des négociations en ouvrant donc cette Assemblée générale annuelle. Des échanges de tirs entre l'Inde et le Pakistan au Cachemire, des tirs au-dessus de la ligne de démarcation. C'est une violation du cessez-le-feu de 2003. C'est dans cette même zone que des rebelles ont attaqué une base militaire indienne aux premières heures, ce dimanche. 18 soldats indiens y ont perdu la vie. C'est la plus lourde attaque dans la région depuis près de 15 ans. Du sport également au menu de votre journal. On dispute ce soir les premiers 16e de finale de la Coupe de Belgique qui voit l'entrée en lice des clubs d'élite. À 20h, le club de Bruges, finaliste de la dernière édition, recevra l'Homel, club de division 1B. Une demi-heure plus tard, l'Excel Moucron se déplacera à Dessol qui évolue en division 1. Amateur, c'est l'ancienne division 3. Et puis toujours ce soir, l'équipe nationale féminine belge dispute son dernier match qualificatif pour l'Euro 2017, auquel elles sont déjà assurées de participer. Les Red Flames, comme on les appelle, affrontent l'Angleterre à 19h. Voilà, vous savez tout, ou presque. Merci d'être avec nous et belle soirée. Toute l'info est sur rtbf.be. Walid vous accompagne pour la suite. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves, vous allez bien? Ben ça va et vous? Ben écoutez, très bien, on vous retrouve tout à l'heure. Oui, il y a du monde, toujours du monde dans cette émission, vous savez. Même derrière la radio, ils sont nombreux, ravis de vous retrouver. Merci à vous d'être presque sérieux. Retour de l'information tout à l'heure à 16h30. Cuisine Créfelle. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfelle. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Mon signe astral a changé, par exemple. Ah je bon suis passé de Vierge à Lyon. C'est la NASA qui a changé. C'est il y a pas eu... vrai. Si, si, je peux vous mentir. Attendez, c'est qui vous a raconté ça? J'ai lu ça ce matin, mais il était tôt. Non, quoi, non. L'article en fait, qui a circulé partout, c'est la NASA aurait changé les signes astrologiques. La NASA, ils font de l'astronomie, en fait, pas de l'astrologie. Voilà. Donc c'est pas vrai. Mais oui, mais c'était drôle. La compilation Lady Soul de la première avec 40 stars de la soul d'hier et d'aujourd'hui. Soul, soul, soul prayer. Je m'y attendais pas. Je sursaute. Alors, on écoute sans plus tarder le Dalai Lama nous offrir gratuitement, sans frais de port ni de TVA, spécialement pour nous auditeurs de la première, un merveilleux message d'espoir, une véritable leçon de vie. Oh yes, theoretically yes, no? I have no longer some responsibility. Alors. Et bam, que dire après ça? Eh ben, le mec est super optimiste. Il pense vraiment qu'il parle anglais. In case. Ce jeune originaire d'Arabie Saoudite qui est actuellement en train d'être jugé à Riyad pour avoir rejoint un camp d'entraînement de Daesh. Et le mec se défend quasiment aussi bien que Bernard Westphal parce que son excuse, c'est qu'il voulait perdre du poids. Et c'est vrai que c'est pas con. Un forfait de taille pour l'équipe de France de fraude fiscale. Jérôme Cahuzac déclare forfait à cause d'une blessure au genou. Il est remplacé par Michel Rocard. Même la famille royale s'y est mise d'ailleurs et on a pu voir de nombreuses images de Philippe et sa famille parcourant les rues de Bruxelles à vélo. Je m'étonne d'ailleurs qu'en publiant les dites images, Sud Presse n'ait pas titré « Exclusif ». Des photos du roi sur la petite reine. La suite va vous étonner. La promesse de Weaver... Est-ce des paroles en l'air? Comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information? Vincent Flibustier. PSSS, bouh, bouh, pas content, pas ouais, c'est pour un journal pour enfants? Ou pour le motorisée. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête, restez presque sérieux. Avec Walid. Ils sont plusieurs milliers à manifester en ce moment rue de la Loi contre les accords de libre-échange TTIP et CETA. Ah, ils ont raison d'avoir peur hein, quand on sait que ceux qui ont mis le projet en place ont placé DSK à la tête du FMI parce qu'il avait dit qu'un jour qu'il était pour le libre-échangisme total. Ah, oui. Ça fait peur, ça fait peur. En tout cas, l'ouverture totale des frontières mentales, ils sont pour si ça peut doper les échanges de matières premières grises. Voici vos chroniqueurs du jour. Elle est du genre, elle, justement, commère équitable. C'est Catherine Ronvaux, bonjour. Bonjour, Wally. Elle aurait pu, tiens, nous fraude donner l'hymne de cette manifestation, le fameux « C'est ta chance » de Jean-Jacques Goldman Sachs, c'est Cynthia Isarelli. Chantez-le pour bonjour. Voir. Bonjour. Moi ? Oui. Ben, je ne suis pas chanteur. Allez. C'est ta chance. Ah, on n'avait pas remarqué. Ouais, c'était pas mal, c'est pas mal. Tiens, vous l'avez entendu, lui s'amuse, c'est Chantal. Chantal Lobby. Ah. Forcément, c'est Mickaël Albaz. Bonjour, bonjour Mickaël. Bonjour Walid, bonjour à tous. Son nom est une appellation d'origine incontrôlable, Vincent Flibustier. Coucou. Tiens, dans la version verviétoise, c'est vrai qu'il jouerait le rôle, en tout cas dans la version verviétoise de Star Wars. Vous pourriez jouer le rôle de d'Obi-Wan Kenobi. Kenobi. Kenobi. Quel lobby? Il n'y a pas de lobby, c'est Cambriers. Bonjour Walid. Faites-moi un peu Obi-Wan. Je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas, je déteste ça. Vous connaissez pas Obi-Wan Kenobi? Je jure que non. Cambriers. Mais non, je n'aime pas. On va passer, je pense, un week-end entier à... Ah non, ça à jamais. À raccommoder ce trou dans votre culture. Si. Ah bien sûr. Et vous allez lui dire, je suis ton père. Ouais, ça doit être ça. C'est toujours le même truc. Hein. En tout cas, merci d'être avec nous, mon Raoul. On adore son OGM, oui, son organe guttural magnétique. À la préparation de cette émission, c'est Carole Baquet, puis chantre de l'ondialisation tout azimut. Elle est là pour réaliser cette émission, c'est Roxane Brunet. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font, et c'est avec vous que nous en rions. Merci donc à vous d'être presque sérieux, comme nos chroniqueurs. C'est presque sérieux. Sur la première. Et nous allons passer donc une heure et demie sur la première à l'assaut de l'actualité pour en retirer le meilleur. Ah, la substance moelle. La crème. La crème. De la crème. Ah oui, le meilleur. On va parler d'un graffiti qui fait polémique. Ah, on va pas vous en parler tout de suite, mais cette petite mise en bouche que nous proposera Catherine Ronvaux. Oh, dites. Oh, je dis, vous en dites trop. Mais écoutez, voilà, on va en parler dans un instant. Macaron. On parlera également du chef de la NVA qui n'est visiblement pas contente de ses sbires. Et une nouvelle pub IKEA avec Cynthia Isarelli. Alors, on a fait dans une le. Une pub IKEA avec Cynthia Isarelli oui, dedans. Ben, voilà. Oui, bon. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est super. C'est nickel. Vous allez changer de nom. Oui. Je m'appelle Skrugefrig. Skrugefrig. Et puis on a vérifié ce sondage. Vous vous souvenez de ce sondage qui disait que 19% des francophones, en tout cas des Wallons, voteraient pour la NVA. Effectivement. Ah, et vous avez appelé 100 Belges. Vous allez voir. J'ai fait un sondage. Le résultat est saisissant. Non, j'ai fait un sondage. Ce sera à découvrir tout à l'heure après 17h. En tout cas, on vous invite également à vous amuser avec nous autour de l'actualité. Nous vous offrons des cadeaux. 4 entrées à l'Eurospace Center de Redu. On ajoute cette fameuse double compilation, les grands du jazz, avec pas mal de grosses pointures du jazz d'hier et d'aujourd'hui, réunies sur un double CD de Miles Davis à Charlie Parker, en passant par Diana Krall. Bref, le meilleur du meilleur est réuni pour vous dans ces grands du jazz. Donc 34 stars pour vous, et une phrase que je vous propose sans plus attendre, avec des propositions que nous allons vous faire profiter dans un instant. Qui aurait pu dire « je m'en occupe très intensément ». Moi, je sais. Je m'en occupe très intensément. Gardez vos propositions, vous les ferez à l'un ou l'une de nos éditeurs, auditrices, qui vont commencer par s'inscrire, sans plus attendre. Oui, c'est la petite formalité à remplir si vous souhaitez venir participer avec nous au jeu du qui a dit. N'hésitez pas à envoyer donc ces trois lettres, CPS, au 60 31 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On vous offre également des cadeaux sur la page Facebook. Oui, pas mal de cadeaux. On vous envoie au théâtre de poche, pour un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien. Très chouette pièce que je vous invite à aller voir, présentée du 27 septembre au 1er octobre au Théâtre de Poche. Rendez-vous donc sur notre page Facebook. Rendez-vous avec l'actualité, c'est tout de suite, c'est parti. Voici la une du jour. C'est la une. Info en chanson. Musique, maestro. Mesdames et messieurs, prochain arrêt, Gare Saint-Pierre. Il reste tant de choses à faire. On voit bien... Le désordre. Alors, deux extraits, Balogi dans un premier temps, Liège, Bruxelles, Gand, et de l'autre, Da Silva avec La Crise. Commençons avec ce morceau, Balogi. Alors. On parle de la SNCB. C'était trop facile. Chanson, c'était un anniversaire. C'était trop facile. On ne parle pas d'un anniversaire, non, on ne parle pas de train. Non. On parle d'une info qui est en lien direct avec le titre. Je rappelle le titre, Liège, Bruxelles, Gand. Une nouvelle ligne. L'indice est dans le titre de cette chanson. Liège. Alors, c'est pas Liège. C'est pas Bruxelles. C'est pas Bruxelles. C'est Gand. Okay. Alors, c'est une info qui concerne Gand. Est-ce que vous avez... Vous n'écoutez pas les extraits, si. Non. Alors non, parce qu'il disait qu'il arrivait à la gare de Gand. Ah, ben c'est la gare de Gand. Ah, ben vous avez duré le suspect. Alors, Madame Belle-Père de Gand. La gare de Gand, non. Non, c'est pas la gare de Gand. Mais on parle d'une info qui... Concerne les trains. Attendez, prononcez bien, parce que ça peut être mal perçu. Hent. Non, pardon. Je parle d'une info. Je parle d'une info. Ah oui, d'une info. Voilà. Ah, d'une info. Non, on dit Kent. Kent. Non, chez Agan, les G se disent Hent. Oui, c'est vrai qu'ils prononcent à peine le G. Ils prononcent pas du tout. Ils disent Hent. Ah oui. Première fois que j'ai parlé en Antois, il m'a fait. Ouais, voilà, c'est ça. En Antois. En Antois. En Antois. Il m'a parlé en Antois. Alors, à votre avis? Bah, c'est parce qu'ils ont définitivement supprimé le H. Non, c'est une info qui démarre à partir du mois d'octobre. Et Gand sera d'ailleurs cette première ville en Europe à effectuer. Oui, effectivement, des tests pratiques sur la discrimination au logement sur le marché locatif. L'homme. C'est ce qu'a indiqué la ministre flamande du logement, Lisbeth Hummans. Ben voilà, on parlait d'une info. Voilà, elle est cependant pas partisane de telle méthode, mais en tout cas une trentaine de volontaires seront chargés de vérifier systématiquement s'il existe des cas de discrimination. Cela sera en se renseignant à deux reprises sur la disponibilité d'un bien à la location, une fois avec un locataire potentiel ou non à consonance étrangère, et ensuite avec un locataire avec un patronyme flamand. Si les réponses apportées ne sont pas les mêmes, le cas de discrimination sera alors avéré. La ministre flamande du logement plaide plutôt pour une autorégulation du secteur. Lisbeth Hummans invite celui-ci à faire donc des propositions pour lutter contre ce phénomène. Ouais. Ouais. Et vous savez, j'ai un petit scoop. Il paraît que le torchon brûle entre Lisbeth Hummans et Bart De Wever. C'est pas vrai. Si, je vous jure. C'est ce que j'ai entendu. Pour le moment, on ne met pas de l'huile sur le feu, mais ça sent brûler quand même. Ça sent très fort. Mais ils l'ont dit dans son première hier, ou vous avez des sources encore plus précises? J'ai des sources précises, mais je n'en sais pas plus. Qu'est-ce qu'elle lui a écouté aux portes? Qu'est-ce qu'elle lui a dit, Raoul? Dites-nous tout. Rien, je crois. Elle répond pas à ce SMS. Allez, une nouvelle info après avoir fait un petit détour par Gand. Parlons de cette crise signée Da Silva. De quoi parle-t-on? On parle de crise, donc. Alors, c'est les chaussettes. Après les chaussettes, qu'est-ce qui se passe après, ouais, après les gants. Très bien, Sensé Busti. Pas mal, les moufles. Les moufles. Da Silva, qui est Da Silva? Qui est Da Silva? Alors, c'est un chanteur qui a gagné, c'est un des premiers qui a gagné pour la gloire à l'époque. Depuis, il s'en remet plus. En 1996 ou 97, si je dis pas de bêtises. Quelle mémoire. Au moins, oui. Alors. Le jour où il faut un Trivial Poursuite spécial, le télécrochet, je pense que vous gagnez tous les prix. Laissez-moi. Écoutez, vous qui aimez bien les trucs qui rapportent de l'argent, faites un. C'est quoi cette phrase? Attendez. Walid est debout. Ça arrive une fois par saison. Non, taisez-vous, laissez-les entre. Attendez. Vous pourriez créer un jeu sur les téléréalités. Mais c'est pas ça qui me dérange, c'est la phrase d'avant. Mais tout le monde a envie de trouver des trucs. Alors, c'est quoi le concept? On le ferait ensemble. Ah ben voilà. Dans les après, le repos. Salon de coiffure, donc, le salon d'esthétique. Une espèce de Trivial Poursuite, mais avec les chanteurs. Enfin, c'est vous qui feriez le tout, parce que moi, j'ai regardé, je pense, une fois The Voice. Ouais. Et vous connaissez toutes les téléréalités. Vous prenez juste 50% des bénéfices. Ouais, écoutez, si on passe, donc, si on restait dans l'info de base, la crise. On mais parle laquelle? De crise. Ah, oui. Bah alors, laquelle, dans quel domaine? Il y a une info en particulière qui parle d'un effet dévastateur sur l'économie mondiale d'ici 2050. Ah, je crois que je sais. Est-ce que c'est pas la résistance aux maladies, aux virus qui... Effectivement, Cindy Aizarali, les infections, résistance aux antibiotiques menacent donc cette économie mondiale. Cette étude de l'Organisme international de développement au premier jour de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York conclut donc que la résistance microbienne pourrait accroître la pauvreté en touchant surtout les pays les plus démunis. Une étude qui montre que selon le pire scénario, la résistance microbienne aux antibiotiques et à d'autres antibactériens pourrait entraîner une chute de plus de 5% du PIB dans les pays à bas revenus et précipiter donc jusqu'à 28 millions de personnes dans la pauvreté d'ici 2050. Une bonne excuse de plus pour Bayer. Voilà, Bayer Monsanto. Voilà. C'est tout ça. Et si on appelait M. Bayer? Attendez, je cherchais le bottin. Bon, allez, dans la suite, je vous invite à vous inscrire pour jouer avec nous au qui a dit, qui aurait pu dire, je m'en occupe très intensément. Autour de la table, ils ont des propositions à vous faire. En tout cas, l'une d'entre vous, vous vous inscrivez en envoyant ces trois lettres, CPS, au 60-31, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse, et on vous gâte. 4 entrées à l'Eurospace Center de Redu, ainsi qu'une double compilation, les grands du jazz, avec pas mal de grands noms du jazz. C'était presque sérieux. Nous, on continue à s'intéresser à l'actualité avec ce fameux graffiti qui fait polémique. On en parle tout de suite avec Cindy Aizarali sur la première. Non, avec Catherine Ronvaux, autant pour moi. Juan Romano Chucalescu n'est pas seulement un peintre ou un sculpteur, c'est avant tout un animateur d'espace, un modeleur de vide. Quand je crée, ce n'est pas moi qui vais vers la toile, c'est la toile qui vient vers moi. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Dites... La Peugeot 2008, là, le grip control, elle l'a? Elle l'a. Et le high cockpit avec écran tactile, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a la caméra de recul et elle a le démarrage en côte aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Ce message s'adresse à vous qui venez de rembourser votre maison ou dont les enfants sont grands et indépendants. Oui, vous, qui vous demandez comment faire fructifier cet argent, vu que l'épargne, ce n'est plus comme avant. Chez CBC, nos conseillers sont vraiment à votre écoute. Ils prennent le temps de vous expliquer les choses simplement, quoi qu'il arrive. Investir ? Parlons-en. Passez nous voir ou rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Salut, c'est Hip et j'ai une grande nouvelle. Cette semaine, dans votre hypermarché Carrefour, offrez-vous une Opel Corsa en leasing privé pour BAM 178 euros par mois, tout compris. Plus d'infos sur directlease.be. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Dans le cadre des nuits de septembre Orient-Occident, la première présente Al-Sahra and the Nubatones en concert. Al-Sahra marie ses influences arabes et est-africaines à des rythmes groovy. Il nous offre une pop légère et envoûtante. Au cinéma Le Parc à Liège, le jeudi 22 septembre. Infos et réservations, grignot.be. La La première. Mobile Info. Et à 16h presque 19, retrouvons notre phare, celui qui est un petit peu notre lumière sur nos autoroutes. Pierre Collard-Bovy. Que se passe-t-il justement sur nos routes? Bonjour Pierre. La lumière du jour, quoi. Ah bah oui. Bien. Bonjour Walid, bonjour à toutes et tous. Ben, le problème, c'est la manifestation qui va démarrer dans quelques instants à Bruxelles. Sachez déjà que les tunnels cinquantenaires, Loi et Rayer, ce centre, ainsi que le tunnel Joyeuse Entrée, sont tous fermés en direction du centre de la capitale. La rue du Commerce entre la rue Béliard et la rue Joseph II est également fermée à la circulation. La rue des Deux Églises et la rue de Spas sont fermées aussi en direction de la rue de la Loi. On vous tient au courant autant que faire se peut le plus rapidement possible, évidemment. Alors, dans Bruxelles, le tunnel botanique au tunnel Rogier, vous ralentissez. Du tunnel botanique au tunnel Rogier, vous ralentissez en direction de la Basilique. Quant au ring de Bruxelles, eh bien, 14 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 13 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour et Léonard, plus 10 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. Note également ce véhicule en feu sur le 411 Bruxelles-Luxembourg, peu avant le viaduc de B. Les bandes de droite et l'arrêt d'urgence sont neutralisées. La circulation est ralentie sur 15 minutes. Vous perdez 15 minutes en direction de Luxembourg. Et puis à l'instant même, on me signale un accident sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur d'Albé, que la chaussée serait fermée sur une voie. En tout cas, la circulation est ralentie en direction de Lille. Et un autre accident sur la 12 en verso Bruxelles, dans le carrefour Léonard. La bande de droite est neutralisée en direction de Bruxelles. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Ah, petite bulle d'oxygène que cette émission. Nous sommes presque sérieux durant une heure et demie et on respire l'information. C'est notre cam. Elle ne sent pas toujours. Ah bon. Non, ça c'est moi qui vous le dis. Et on va en parler d'ailleurs de l'information. Et Catherine Ronvoy, cette nuit, alors que certains fêtaient encore la Wallonie dans les rues de Mons, de Namur ou de Liège, d'autres en plein cœur de Bruxelles profitaient de l'obscurité pour dessiner sur une façade un graffiti qui ce matin fait plutôt polémique. Oui, j'ai feuillé l'actu ce matin cherchant un truc à me mettre sous la dent. Et je suis tombée sur le pénis et la barrière de Saint-Gilles. Enfin, c'est une expression. Ouais. Ce matin, donc, une fresque nouvelle est apparue comme, dans la commune bruxelloise. Un zizi, un peu tape à l'œil, et encore, il est au repos. Je suis troublée parce que moi, généralement... Ouais. Évidemment, la question qu'on se pose tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi un pénis et pas un mouton qui saute au-dessus d'une barrière de Saint-Gilles, justement? Parce qu'entre le mouton et le pénis au repos, vous conviendrez que le message est le même. Ben oui, parce qu'il y a un message. J'imagine que le mec qui a passé sa nuit pendu à une corde à la cheminée avec sa boîte de pastel à sa gomme Reine des Neiges ne l'a pas fait juste pour dessiner un zizi sur une façade. C'est un projet sur lequel il a réfléchi plusieurs jours, voire plusieurs mois. Il a dû choisir son modèle, faire des croquis. Donc oui, il y a un message, il y a toujours un message. C'est comme Alexander de Croo qui va présenter donc la Belgique au sommet sur les migrants de l'ONU. C'est pas juste pour faire le voyage à New York tout frais payé par nous et faire un selfie avec Angelina Jolie. Et il y a un message. C'est comme si Raoul allait représenter les végétariens en Ardèche, par exemple. C'est comme le fils de Donald Trump, avec son bol de M&M's qui titre « Si je vous disais que trois d'entre eux allaient vous tuer, vous en prendriez une poignée ?» Il y a un message. Arrêtez la malbouffe. Il paraît qu'il va sortir la même campagne avec des Doritos. Non, allez. Non, il ne parle pas de malbouffe, il parle d'immigration. Il compare les réfugiés à un bol de bouboune. Ça ne laisse personne indifférent quand même. Et la photo circule, elle circule bien, et il y a un message. C'est comme l'Europe qui dit non à l'étiquetage 5 couleurs dans l'industrie agroalimentaire. C'est pourtant simple comme un jeu d'enfant. Tous les produits de consommation auraient donc des gommettes, du vert, c'est bon pour la santé, au rouge, faites gaffe. Pourquoi on ne l'impose pas alors que nos enfants sont en surpoids et que d'ici 15 ans, il n'y aura plus un seul médecin en Wallonie? Il y a un message. Le respect des Daltoniens, oui, probablement. C'est comme Bayer qui rachète Monsanto et Sudpresse et le manuscrit de Zemmour. Il y a un message. C'est comme le parti de Vladimir Poutine, Russie unie, qui emporte les élections haut les mains, ou les mains dans l'urne, avec un taux de participation de 48%. Il y a un message, oui. C'est l'hiver déjà en Russie, on se les caille. Oui, tout est message. Même le zizi de Saint-Gilles qui pourrait s'intituler « Nuit debout, réveil mou ». Ou alors un message personnel. Hardi, les gars, ne soyons pas les moutons d'une société qui se construit grâce à notre immobilisme. et sautons les barrières que les puissants tentent de dresser dans nos esprits pourtant si créatifs. Ah, c'est beau, Catherine Renvaux. Il fait quand même trois étages, votre désir en question. Non, mais alors, j'avoue, je ne l'ai pas c'est vu. C'était un graffiti ou c'était vraiment un graffiti? C'est un gros zizi. Non, mais ça oui, ça oui. Arrêtez, Catherine. C'est un gros à chaque fois que vous le dites. Une grande fenêtre. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un dessin. C'est graffiti. Vous vous souvenez de cette émission, hein, donc on en parlait en antenne, Graffiti 515. Graffiti. Graffiti. C'était Groschot et Chico. Chico Dagneau. J'adorais le générique. 515. Mais quel est le message? Graffiti 515. C'était du temps de cerveau disponible quand j'étais gamin. Voilà. C'est ce que je leur ai offert. Ça parlait de quoi? C'était une émission de pour jeunes. C'était une émission avec de la musique, des dessins animés. C'était sur Antenne 2. Oui, c'était sur Antenne 2. De Michel Drucker. Oui, qui est toujours là. Ouais, c'était dans les années 80. 515. Ça, je suis certain, vous le ressortez. C'est l'ancêtre des Daft Punk. Daft Punk a tout pompé générique. Ah ouais, c'est vrai. J'avais déjà 25 ans. Bah écoutez, vous aviez 5 ans au moment de ce morceau, Earth, Wind and Fire. Ah oui, ça vous avez touché un point. Got, lisez-moi le titre pour voir. C'est trop loin, je ne sais pas lire. Allez, mais alors attendez, je vous donne la feuille. Regardez. C'est quoi le titre? Mais il est où votre titre? Il est là. Annoncez-moi le disque. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire, que Raoul Ayer s'annonce un disque. Earth, Wind and Fire. Non, attendez, on la refait. 3, 2, 1. Earth, Wind and Fire, got to get you into my life. Sur la première. Sur la première. Souvenir de 1978, Earth, Wind and Fire. Hey, Raoul, ça fait du bien. Il brûle d'envie de nous susurrer à l'oreille quelques infos qu'il a grainées comme ça, ça et là, sur l'internet. Je voulais vous poser une question. Une équipe de foot de D1, c'est important ça. C'est très important. Oui, c'est vrai. Oui. Ça dépend du pays. C'est un pays, oui, c'est ça. Alors si c'est celle du Venezuela. Oui, c'est celle du Venezuela. C'est quand même moins respecté, puisque cette équipe était en déplacement. Non seulement elle a perdu son match, mais en rentrant un peu tard en autocar, elle s'est fait complètement attaquer et dépouiller. Donc, c'est incroyable. C'est vrai que là-bas, les gens crèvent de faim maintenant en Venezuela. Mais bon, manger des crampons, c'est pas bon pour la santé. Non, ils mangent les animaux des eaux oui. Et ils ne trouvent plus nulle part du papier toilette, par exemple. Ouais. Et donc, ils ont vraiment été dépouillés. Ils se sont retrouvés en caleçon sur Raoul le bord de la route. Raoul a noté que s'ils n'ont pas à manger, ils ont moins besoin de papier toilette. Oui, c'est vrai. Il faut le savoir. C'est vrai aussi, mais ils en ont quand même besoin. Sinon, ce ne serait pas normal. Et donc, moi, ce que j'ai imaginé après ça, c'est si l'équipe du Standard Ou d'Anderlecht. Ne fâchons pas les gens. Oui, ou d'Anderlecht. Ouais. Mais on saurait enfin s'ils doivent porter des caleçons rouges ou mauves. Ouais, c'est... Parce que c'est ce qui s'est passé. Les mecs se sont vraiment retrouvés sans rien au bord de la route. Ah ouais. C'est terrible. Même plus de respect pour le football. Là, je crois que c'est la fin du pays. Où va le monde ? Où va le monde ? Terrible. Allez, dernière petite info. Pourquoi, quand on crée une manifestation, parfois quand on crée une manifestation, quelle qu'elle soit, il faut quand même bien étudier le nom de l'événement. Parce que je lis ceci dans un journal, un homme de 50 ans a fait un malaise cardiaque sur un marathon, et ce marathon en question s'appelle le relais marathon de la vie. Ah oui, oui. C'était le marathon donc, de la mort. Évidemment, le titre du canard du coin, c'est un homme décède sur le marathon de la vie. On ne peut pas donner plus belle image d'une manifestation sportive. Hein, ouais. Mais merci pour ce titre. Allez, en tout je cas, vous laisse Raoul. À votre titre. Vous revenez dans un instant et on s'informe justement à 16h30. Et on vous invite à jouer avec nous. Qui a dit du jour ? Je m'en occupe très intensément. Vous inscrivez en envoyant ces trois lettres. CPS au 6031. Et nous avons non pas une, non pas deux, non pas trois, mais quatre entrées à l'Eurospace Center de Redu, ainsi qu'une double compilation avec non pas une grande star, non pas deux grandes stars, non pas trois grandes stars, non pas quatre grandes stars du jazz, mais 34 et deux coups. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif, magnifique. D'ailleurs tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990€ ou 129€ par mois en personnel lease. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. Hello? Fuoco a mare. How many people? Un film bouleversant sur Lampedusa. Le lieu d'entrée en Europe de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en quête d'une vie meilleure. Fuoco a mare. Ours d'or du meilleur film au Festival de Berlin. Un film étourdissant. Ce mercredi au cinéma. La première présente l'exposition Zoo humain, l'invention du sauvage. Découvrez l'époque où l'être humain était exhibé comme un animal de foire. Comment l'histoire nous a-t-elle conditionnés à nous voir comme civilisés ou sauvages ? Du 17 septembre au 23 décembre à la Cité Miroir à Liège. Plus d'infos, zoohumainaupluriel.be. Shopping. Finir la semaine par un happy weekend, c'est encore un cadeau du Walué Shopping. Place au prix d'amis, aux surprises et aux cadeaux. Le plaisir shopping à l'état pur, c'est au happy weekend du Walué Shopping. C'est 24 et 25 septembre, dimanche compris. Shopping. Walué Shopping. La première. 16h31. Votre journal, Pierre-Yves Meugens, bonjour. Bonjour, les portes de la deuxième année s'ouvrent pour les étudiants en médecine de l'université de Namur. Le tribunal des référés leur donne raison. Ils demandent à l'université d'inscrire ces reçus collés. Ils ont réussi les examens de fin de première, mais ils ne s'étaient pas suffisamment bien classés lors du concours en juillet. Or, pour la justice, tout étudiant qui a réussi ne peut se voir refuser son inscription. L'université a 48 heures pour les inscrire, sous peine d'une astreinte de 1 000€ par jour de retard. Plusieurs étudiants reçus collés de l'UCL et de Mons ont en effet tenté une action similaire pour obtenir eux aussi le droit de s'inscrire en deuxième bac. Une manifestation démarre au corps de Bruxelles pour refuser les accords de libre-échange, ceux entre l'Europe et les États-Unis d'une part et entre l'Europe et le Canada. Entre 10 et 15 000 manifestants sont attendus. Départ dans le haut de la rue de la Loi. Les agriculteurs rejoignent la manifestation et parmi eux aussi des fermiers canadiens. Selon le représentant de ces Canadiens, le traité menace l'économie locale et l'intérêt public. On vous parle aussi des ventes d'armes wallonnes à l'Arabie Saoudite dans Soir Première. Le pays représente 60% du chiffre d'affaires. Du coup, cette question, la Wallonie s'assied-elle sur ses valeurs pour sauvegarder l'emploi ? On en débat avec Luc Mampé, directeur général du GRIP. C'est le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Il sera face à Nicolas Zanetatos, député wallon MR et membre de la sous-commission de contrôle de licence des armes. Merci Pierre-Yves, retour dans l'information tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Direction Comblain avec notre auditeur, il s'appelle Pierre, il est manager, c'est dans la région liégeoise. Comblain au pont ou Comblain à la tour? Alors on va lui poser la question, Comblain au pont ou Comblain à la tour? Pierre. Au pont. Ah, Comblain, au pont, dans la région, il y a la province de Liège. Comblain de Capitaine, pardon. Ah, Comblain. C'est pas près des Ouailles, vers le sud, comme ça. C'est près de lui. Oui, tout à fait. C'est bien tout ça, hein, effectivement. J'adore cette ville. Il y a pas mal de belles choses. Il y a un pont très sympa, mais vraiment en plus c'est très joli en pierre comme ça. Il faut savoir, non, mais surtout, mais vous faites bien de dire qu'il y a un pont en pierre, c'est parce qu'en fait ils font toutes les années bissextiles, si je dis pas de bêtises, une fête en particulier, une fête médiévale, c'est bien ça? Oui, tout à fait, sur le domaine du Grand Pré. Voilà, qu'est-ce que je disais, Comblain en pont, merci Wikipédia. c'est plutôt à Comblain-la-Tour qu'il y a le festival de jazz si connu, c'est le ça? Le festival de jazz, c'est Comblain-la-Tour, tout à fait, voilà, ça n'a pas lieu aussi. Voilà. Donc c'est pas chez vous, merci. Mais c'est sympa. En tout cas, merci d'être avec nous, mon cher Pierre, nous allons nous intéresser à l'actualité et surtout vous offrir des cadeaux. 4 entrées à l'Eurospace Center de Rodu et cette double compilation avec les grands noms du jazz. Et une question des propositions que nous allons vous faire. Qui aurait pu prononcer la phrase du jour? Je m'en occupe très intensément. Raoul Reyers. Je m'en occupe très intensément et je m'y connais en crabe chinois, a déclaré Théo Franken. On va les ramener à la nage, à la frontière. Théo Franken, à propos de ces fameux crabes qui envahissent les centrales nucléaires, notamment, oui, effectivement. Crabes. J'en ai pas chez moi, c'est bizarre. J'habite en Flandre et j'ai pas de crabes. Ils sont pas encore arrivés. Ça peut venir. Plaignez-vous. Ça va arriver. Je m'en occupe très intensément. Cynthia Isarelli. Vraiment? Oui. Me regardez pas Catherine Ronvaux, alors ça perturbe le tout. C'est fait exprès. Bien, pas du tout, c'est simplement, c'est vite dit. Chris Peters qui a prononcé cette phrase en parlant de l'hémorragie de licenciement collectif. Chris Peters. On va demander à Catherine Ronvaux cette fois-ci qui aurait pu dire « Je m'en occupe très intensément ». C'est Joëlle Milquet, parlant du pacte d'excellence. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais je crois qu'elle essaye de rester un petit peu dans le move. On va demander à Vincent Flibustier. Ben c'est Jean-Charles Luberto à propos du tag de Saint-Gilles, évidemment. Si c'est lui, ça serait vachement drôle. Il faut qu'ils veulent revenir en politique d'une manière sympa, comme ça. Une carte de visite. Et enfin, Michael Albaz qui aurait pu dire « Je m'en occupe très intensément ». Mais non, c'est Vladimir Poutine qui répondait à la question « Comment comptez-vous convaincre les quelques électeurs qui n'ont pas voté pour vous d'ici la prochaine présidentielle ?» Il a donc répondu « Je m'en occupe très intensément » avant de lentement laisser glisser son pouce sur sa gorge. Peut-être un message codé. Eh bien, cette fois-ci, c'est à Pierre de trouver la réponse parmi ces différentes propositions. Je m'en occupe très intensément. Théo Franken, Chris Peters, Joëlle Milquet, Jean-Charles Luperto ou enfin Vladimir Poutine. Je vais répondre Chris Peters. Chris Peters. Vous l'avez lu dans la presse, vous l'avez entendu aujourd'hui? Non, c'était la plus vraisemblable des propositions. Ouais, mais écoutez, il y avait Luperto qui était sympa. Ouais, c'était sympa, tout à fait, Luperto. Ouais. C'est sympa, mais effectivement, c'est gagné. On parle de licenciement collectif chez Caterpillar, chez Douegbert ou encore MS Mode. Eh bien, ce mois-ci, les nouvelles sur le front social sont noires. Le bilan monte déjà à 4140 emplois perdus et des rumeurs concernant ING vont bon train. Et le ministre du Travail, Chris Peters, met en garde. Ce n'est que le début de l'hémorragie et il craint le pire. Je peux seulement dire que je crains que la vague de restructuration et de fermeture ne soit pas terminée. Je m'en occupe très intensément, mais c'est au final à l'entreprise de décider. On ne peut pas forcer une société à rester ouverte. Le ministre de l'Emploi qui se veut malgré tout optimiste, je veux quand même insister sur le fait qu'il y a des signaux positifs. Cette année, 45 000 jobs ont été créés, de nombreux autres emplois sont en création. Ah, alors c'est bien d'un côté de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, et de l'autre côté... Mais vous savez quand même j'ai l'impression que les emplois en création vont moins vite que ceux qui disparaissent. 45 000, alors attention, on ne dit pas 45 000 emplois, ici on parle de jobs. Ah. La nuance entre emploi et job, je vois pas la... Une heure par jour, mais le samedi. Voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, job, c'est job étudiant. Enfin, c'est pas... Ça y ressemble. Hein, c'est... Par contre, emploi, c'est... C'est l'emploi. C'est ce qu'on voit pas. Voilà. Il y avait une très belle autre phrase aujourd'hui concernant l'ANVA et tout ce qui s'y passe pour le moment. Mmh. C'est Mark Haskins qui a dit « Il est des bureaux de parti où l'on sacrifie sans étourdissement ». Ouais, c'est fort. Wow. Ah ouais, c'est pas mal. C'est une belle phrase. Ça. Ah, c'est une belle phrase. Pierre. Puis ça permet de savoir que Marc Eisken est encore en vie. Oui, Pierre est avec nous, hein, je vous le rappelle quand même. Bonjour Pierre. Pierre qui repart donc bonjour. Grâce à cette bonne réponse avec 4 entrées à l'Eurospace Center de Redu et une double compilation. Les grands du jazz. Restez fidèles à l'actualité, fidèles à la première et restez surtout presque sérieux du côté de votre ville qui s'appelle, rappelons-le, Comblain-au-Pont. Au pont, bien entendu. Comment on appelle les habitants de Comment on appelle les habitants de Comblain-au-Pont ? Les Comblenois. Les Comblenois. Les Comblenois et les Comblenoises. Mais est-ce que du coup les gens de Comblain-à-Tours sont aussi les Comblenois ? Ah. Oui, tout à fait. Ah ben voilà. Ah ben on embrasse. C'est une commune différente. Donc il y a une petite quand même, il y a un franchissement de la frontière au niveau de la commune. Ah, une petite guéguerre peut-être entre les deux communes, non ? Des petites bagarres comme ça, des bagarres de village du côté du pont. Hein, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, on vous embrasse et on embrasse bien entendu tous les habitants de Comblain-au-Pont ou Comblain-la-Tour, où que vous soyez en tout cas en Belgique. Merci à vous d'être presque sérieux. Dans la suite, on continue encore et toujours à s'intéresser à l'actualité. Je rappelle qu'après 17h, eh bien, on s'intéressera à ce sondage, fameux sondage qui nous révélait il y a quelques semaines que 19% des francophones, des Wallons, voteraient pour la NVA. Eh bien, nous avons sondé. Et vous allez voir qu'on est loin du compte. Enfin, Oui, attends. Vous allez voir, enfin, on est loin du compte. On est curieux, en tout cas. Vous allez voir, ce sera tout à l'heure. En attendant, on s'intéresse à l'actualité. Cette fois-ci, elle est vue et corrigée par Michael Albas, qui va nous parler, effectivement, on en parlait, du chef de la NVA, M. Bart De Wever. Certainement, monsieur, et je m'en fous comme dans les années 40 de tous ces rumeurs et tout ce qu'on dit après, derrière mon dos. C'est ce qui se passe derrière mon dos, c'est de mon cul. Je pense que au niveau des punchlines politiques, on retiendra cette phrase de Bart De Wever et mon cœur saigne. Okay, comme ça, dans les phrases, vous savez, si on devait faire un livre avec les phrases célèbres, il y avait De Gaulle qui avait dit « Je vous ai compris », ah ben ça c'est ce qui se dit dans mon dos et dans mon cul. C'est quand même phénoménal. C'est à l'époque où il était encore gros à ce moment. Oui, sa voix est différente. Ah, ben, une voix de maigre. Ça. Bon alors, intéressons-nous justement à cette actualité en rapport avec la NVA. On perd de vitesse dans les sondages, la NVA en crise, et comme son président Bart De Wever n'aime visiblement pas être contrarié, eh bien il n'a même plus besoin des francophones pour se fâcher et faire couler de l'encre dans tout le royaume. Et oui, décidément, pour la NVA, la Belgique, c'est comme Michael Schumacher, hein, ça ne peut toujours pas marcher. Oh. Et pourtant, ce dimanche, c'était la journée sans voiture, il fallait donc utiliser ses jambes pour aller à la rencontre des médias et ainsi déclencher des polémiques. Je ne parle pas des défenseurs de l'environnement qui auraient maladroitement demandé à Mark Game de reprendre la main, non. Je parle plutôt de Henrik Veuille et Veerle Wouters, évincés de la New Vlaams Alliance pour avoir un peu trop parlé à la presse. Et oui, fini l'ambiance Plopsaland, hein, la NVA aussi ses frondeurs qui disent tout haut ce que tout le monde sait déjà mais que Bart De Wever ne veut pas qu'on dise. Enfin, qu'il ne s'inquiète pas, ces justiciers nationalistes. Ce n'est pas nouveau que Bart essaye de nous la faire à l'inverse. Qu'il rêve communautaire mais veut toujours qu'on esquive le terme. On se demande quand même ce qu'il a dû leur dire en coulisses. Ne me faites pas dire ce que je pense. Non. Ou alors il a carrément fait comme avec nous. Détourner l'attention en parlant par exemple du dimanche sans voiture, qui a été une réussite dans notre capitale. Beaucoup de monde à proximité des Marolles, un quartier dans lequel nos Marioles veulent faire naître une nouvelle station de métro. Surréalisme oblige, on n'est encore qu'au stade du projet, mais elle porte déjà un nom, station Toot Stillemans. Oui, c'est original de nommer un métro comme un métronome. Par contre, toujours rien pour Faudel, alors que c'est quand même lui le petit prince du rail, et qu'il a disparu depuis bien plus longtemps. Le pire, c'est qu'avec certains, ça marche. Ils en viennent à oublier et ne pas voir que Bart essaye de sauver les meubles. Car en acceptant de faire des compromis, la NVA s'est compromise. Avant, c'était un parti qui parlait franco. Mais une fois embarqué dans l'exercice du pouvoir, il faut savoir mentir plus intelligemment. Non, ce qui manque à la NVA pour fédérer les racistes sans éloigner les nationalistes, c'est un collectif. Parce que les individualités, elles sont là. Théo Franken est déjà à l'asile. Et Jambon a un nom tout indiqué pour repousser les musulmans. Il faut juste leur faire comprendre que quand le chef prend une décision, on lui tend le bras. Enfin, la main. Pour l'instant, il y en a encore qui se braquent, comme Siegfried, dont la consonance du prénom prouve à quel point ses parents étaient visionnaires quant à l'avenir de leur progéniture. Passer trop de temps à débattre en interne, c'est prendre le risque de passer pour des démocrates, et là, ça ferait fuir des électeurs. On n'a pas ce genre de problème au FN français. Là, on dépasse les limites, mais pas les frontières, par de belles déclarations telles que « Oui, au multiculturalisme, n'est-ce pas ? Mais pas dans un même pays. » Autrement dit, on adore les étrangers, Mais pas chez eux. Ouais, c'est ça. Mais c'est la petite lobotomisée. Ah ouais, bah, ils auraient pu ajouter. Et puis, si tu n'es pas content, retourne au Maroc, hein, qui est un peu une version raciste de casse-toi, pauvre con. Mais il paraît que ça a déjà été dit et que de simples excuses improvisées suffisent à ce que plus personne n'en parle et que l'incident soit classé sans suite. Alors, non, ça, c'est du racisme de bac à sable pour le FN. Non, si la NVA veut contenter tous ses membres, il faut qu'elle cartonne des deux côtés de la frontière linguistique. Je sais, l'adaptation sera difficile, mais 19% des Wallons sont prêts à voter NVA avant même de connaître son programme sauce francophone. C'est normal, la nouveauté attire. Et ici, un parti aussi à droite, on n'a jamais vu ça. Chez nous, même les extrémistes sont de gauche. Oui. Le PTB a d'ailleurs profité de ce week-end pour tenir son rassemblement avec une invitée de marque, non pas Goblet, mais la fille de Che Guevara, ce révolutionnaire qui portait la même Rolex que Sarkozy et fumait les mêmes cigares que les patrons américains de Caterpillar. Elle avait la barbe ou pas? Oui, il y pense en se rasant. Même pas très fidèle aux idées du parti, tout ça, mais bon, comme ça fait longtemps, et puis en plus il a sa tête imprimée sur des t-shirts, même s'il avait un peu de sang sur les mains, ça doit être quelqu'un de bien quand même. Heureusement que peu importe le camp, l'électeur a la mémoire courte, sans quoi plus personne n'irait voter. Et les excès de contrôle de Bart de Wever seront aussi vite oubliés que les dérapages de ses sbires. En politique, comme fait davantage référence à communication qu'à communautaire, et même les pointures sont adeptes du cirage de pompe. Ah, la politique et cette crise, hein, au niveau de la NVA. Rappelons que le type qui a dit retourne au Maroc, si ça ne te plaît pas, est de l'OpenVLD. OpenVLD, les frontières open. On ouvre la porte pour vous montrer le chemin, en gros. Ça doit être ça. Merci à Michael Elbaz des chroniques et cette émission d'ailleurs à retrouver sur le rtbf.be/ovio et on s'intéresse à l'actualité encore et toujours. On vous invite d'ailleurs à retitrer, c'est ce que vous ferez vous autour de la table dans un instant, retitrer une information, ce sera après 17h. On parle de ce record de vente d'armes wallonnes à l'Arabie Saoudite. 60% de ces ventes se font en Arabie Saoudite au niveau de la FN Herstal. C'est plutôt un record. Vous imaginez si les Saoudiens arrêtent d'acheter des armes chez nous, crise. On va revivre. C'est les Saoudiens qui font des chèques. Ah non, Et donc, n'hésitez pas. Ne grillez pas vos titres. N'hésitez pas à nous en proposer sur la page Facebook de l'émission. Sur cette même page, on vous invite au théâtre. Oui, allez assister à Arc-en-Ciel pour l'Occident chrétien, écrit dans les années 60 par l'essayiste et poète haïtien René Depestre, afin de dénoncer un racisme et le racisme dans le sud des États-Unis. N'hésitez pas à aller applaudir cette pièce. En tout cas, on vous y invite du 27 septembre au 1er octobre au Théâtre de Poche. Pour repartir avec ces entrées, bien rendez-vous simplement sur notre page Facebook. Rendez-vous avec l'histoire. Petit H, signé Vincent Flibustier. Grand H, avec Laurent de Hausset. Que s'est-il passé un 20 septembre? Eh bien, vous le découvrirez dans un instant. Le temps pour nous de juste faire un point sur ce qui se passe sur nos routes. Tiens. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. La première présente, le Festival Saint-Jazz, les 23 et 24 septembre à la Jazz Station, une édition 100% belge, avec Dre Palmer-Seva, David Thomas Trio, un concert unique des présidents des Lundis d'Hortense, Thomas Champagne Random House, Stéphane Mercier Quintet et la projection du film Mannequin Swing. Info, saintjazz.be, avec KBC Brussels. Vous disposez d'actions depuis longtemps et avez besoin de conseils pour vos investissements? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. La première présente Wim Mertens en concert. Le 21 octobre au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Le compositeur belge de référence internationale présente son dernier opus en première aux Beaux-Arts. Info et tickets, greenhousetalent.be ou 02 507 8200. Avec le soir. Etias, bonjour. Bonjour, je viens de rentrer dans le pare-choc d'une camionnette. Est-ce qu'il y a des blessés? Non, mais par contre, ma voiture ne roule plus. Ah, ne vous inquiétez pas, on vous envoie une dépanneuse, elle sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes? Mais c'est rapide, ça. Oui. Oh, mais c'est que la nana qui conduisait la camionnette, elle est pas mal du tout. Vous avez 30 minutes. Oh là là. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. La première. Mobile Info. 16h46, un point sur vos conditions de circulation. Pierre Collard-Bovy. Pierre? Wouhou! Pierre! Oui, je suis. C'est embouteillé. Oui, il y a un embouteillage ici en studio, vous ne vous rendrez pas compte. Vous n'imaginez même pas. Alors, dites-nous, que se passe-t-il sur l'autoroute? Toujours la manifestation dans Bruxelles, évidemment, avec les tunnels cinquantenaires Loire, Rayer-se-Centre, ainsi que Joyeuse Entrée qui sont fermées en direction du centre, en tout cas. Et toutes les rues perpendiculaires à présent à la rue de la Loi sont fermées, ainsi que les voies d'accès au rond-point Schumann. On rappelle que c'est une grosse manifestation qui a démarré en principe à Bruxelles maintenant. Sur le ring de Bruxelles, plus 19 minutes pour l'intérieur, Zaventem Carrefour-Léonard, plus 18 minutes pour l'extérieur, Zaventem Grand Bigard, et plus 10 minutes pour l'intérieur, Grand Bigard Zaventem. Un véhicule était en feu, il est en difficulté en tout cas sur le 411 Bruxelles-Luxembourg, peu avant le viaduc de B. Ce sont les bandes de droite et l'arrêt d'urgence qui sont neutralisées. Vous perdez une dizaine de minutes en direction de Luxembourg. Concernant un accident, a été signalé sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur d'Albeck. La chaussée est fermée sur une voie ou deux voies. Là, on ne sait pas. C'est pas, l'information n'est pas certaine. La circulation est en tout cas ralentie en direction de Lille. Donc, c'est le 17 qui vous rend de Gand à Lille en France. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Hey, Houston, on a un problème. L'histoire qui s'invite sur la première tous les jours, vous le savez, entre 13h30 et 14h30, et l'histoire qui vous donne rendez-vous, une question, signée Laurent de Hausset, en 20 septembre. Oh, il s'en est passé des choses en 20 septembre. Mais que s'est-il réellement passé ce 20 septembre? Question de Laurent de Hausset. 20 septembre 1946, c'est la première fois que le monde parle des armes de ma ville. Que suis-je? Alors, c'est la première fois que le monde parle des armes de ma ville. Que suis-je? Parce qu'on parle d'Israël. Hein. Non. On parle d'armoirie ou d'une distinction offerte à une ville. Alors, on parle d'une armoirie qui fait référence à quelque chose que vous connaissez très bien. Ça a un rapport avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale ou finalement rien du tout? Oui, enfin, un lien. Oui, un lien. Alsace-Lorraine? Non. Il y a un lien. C'est l'intention, en tout cas, de départ était... Était de mettre en valeur une volonté d'abord politique et antifasciste. Voilà, c'était entre ça. On a changé les armoiries d'une ville pour effacer certains symboles. Non. On a changé le nom d'une ville? Non. Tout le monde connaît cette ville. Ouais. Paris. Tout le monde en parle chaque année, plus ou moins à la même période. Non. On a enlevé la croix gammée, des places en Paris. Non, c'est pas ça. Non, il y a un symbole que tout le monde connaît. C'est même devenu un prix aujourd'hui. Mmh. La palme d'or de Cannes. Non. C'est le premier festival de Cannes. Un 20 septembre 1946, c'est la première fois que le monde parle de ses armes. Effectivement, la palme est l'arme de Cannes. Eh oui, Cannes, la belle première édition du Festival international du film de Cannes. Le symbole de la palme est tiré donc des armes de la ville de Cannes, tout comme le lion d'or du Festival de Venise ou de l'ours d'or de Berlin. Alors en fait, la palme n'a pas été décernée dès les premières éditions. On offrait simplement des petits diplômes, des points artistes historiens, des tickets de métro, enfin des trucs comme ça. Des clés USB. Voilà, c'est un peu ça. Un peu ça. Ça arrivait plus tard. Est-ce que vous entendez? C'est Camille Saint-Saëns, Aquarium, effectivement. Ils ont tenté de l'enlever à un moment donné, de changer le générique, mais ça fait un tollé général, donc du coup, on l'a gardé. Et le Festival de Cannes, donc, a pour origine cette volonté politique et antifasciste, puisqu'il voulait simplement enlever ces images de propagande allemande à l'époque de Mussolini. Et donc, savoir que le tout premier film projeté, à votre avis, c'était de qui? Ça devait être un film français quand même. Ah, un allemand. Ah, non, ou un italien. Anglais. Non. Anglais? Oui. Voilà. Ah bon. Alfred Hitchcock. Oui. Alors, ce qui s'est passé en 46, ce premier film projeté donc était Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock. Mais ce qui s'est passé, c'est que les techniciens ont mélangé les bobines des pellicules. D'accord. Et la projection fut une vraie catastrophe. Et du coup, il n'a pas eu de prix. Ils n'ont pas rediffusé bredouille. Après. Non, rien du tout. Ils sont repartis bredouillés. Alors, il faut savoir aussi qu'à partir des années 50, particulièrement sous la présidence de Jean Cocteau, il y a eu pas mal de prix à l'appellation fantaisiste. Je vous en donne quelques-uns. Alors, le prix du film lyrique, c'est en 1952, le prix international du film de la bonne humeur. Et encore le prix international du film Le mieux raconté par l'image. Je trouve que c'était génial, ça. C'est voilà, des petites histoires comme ça qu'on apprend autour du Festival de Cannes 1946. Vous retiendrez donc cette date du 20 septembre. Vincent Flibussier va nous raconter des histoires, mais juste avant, Raoul Reher, ça avait une petite étude pour nous. Oui. Je vais voir dans mon petit magasin. Oui, dites-nous. C'est une étude récente qui définit l'écart d'âge idéal entre les partenaires. Ça va aller très vite. Ouais, l'écart d'âge. Hein. Ouais. Donc vous avez 20 ans, votre femme en a 25. Ben, s'il y a 5 ans de différence, la chance de se séparer est 18%. S'il y a 10 ans d'écart, c'est 39%. S'il y a 20 ans d'écart, c'est 95%. Donc, l'âge idéal entre deux partenaires, la différence idéale, c'est combien ? Maximum ? 5 ans. Comme dirait Macron, le... Ouais, s'il y a 30 ans d'écart, c'est Emmanuel Macron. C'est ça, ouais. C'est un an. C'est un an d'écart, pas mal. C'est hein. Le mieux. Comme dirait une famille people, l'écart d'âge, chiant. Bon, on va passer aux histoires de Vincent Flibussier, c'est parti. Bonjour, messieurs Vincent. Deux histoires, Vincent, l'une d'entre elles est vraie, oui, mais laquelle ? Bah oui, aujourd'hui, chers auditeurs, c'est la journée mondiale du transport en public et de la prostate. C'est donc la journée où on se pisse dessus dans le bus. C'est un transport. Ah, voilà. Un truc qui m'est encore arrivé récemment, alors que j'ai pris un bus de Lane pendant la journée sans voiture, et donc j'ai donc appris que Wallu et Saint-Etienne, en fait, c'est pas à Bruxelles, c'est en Flandre. Saint-Stephen's Wall. Quelle horreur. Donc à la base, je voulais vous faire deux histoires sur la prostate, mais j'ai pris le bus finalement, pas comme thème, parce que je prends plus le bus depuis que je suis allé en Flandre. Ouais. En Allemagne, vous le savez, comme partout dans le monde, on a un vrai problème avec les vieux dans les maisons de repos, parce que parfois les vieux, ils tentent de s'échapper. Et les vieux étant vieux, eh bien souvent ils essayent de s'évader en bus. Du coup, beaucoup de maisons de repos en Allemagne ont eu une idée assez formidable ou horrible, je sais pas trop, c'est de mettre des faux arrêts de bus près des hauts. Comme ça, quand les vieux s'évadent, ben, ils attendent le bus, mais le bus n'arrivera jamais s'il est faux. Donc, ils vont simplement les récupérer aux faux arrêts de bus. Ils sont assez vicieux. Bon, le gros problème, je me suis dit ça, c'est qu'en plus, potentiellement, bon, déjà, c'est pas très cool. Et puis, potentiellement, il y a peut-être maintenant plein de gens enfermés dans des maisons de repos alors qu'ils voulaient juste prendre le bus. Voilà, donc ça amène pas mal de questions. Les vieux qui se font avoir, ouais. Tout le monde se fait avoir. Mais oui. Première histoire de Vincent Flibussier, c'est plutôt drôle. La seconde, écoutons cette histoire. Et en Belgique, on a une société de bus par région, plus le tech qui est divisé en plusieurs régions aussi, parce que ça fait des administrateurs en plus et que c'est sympa apparemment. Mais on trouve encore mieux que chez nous, et c'est en Mongolie, dans la capitale Oulan-Bator, où il y a aujourd'hui 433 sociétés de bus publics. C'est en fait le nombre à peu près de rues de la ville, puisque chaque rue peut posséder sa compagnie de bus. Je vous invite à voir ça en vidéo, c'est sympa. Il y a donc un bus par rue, ce qui est complètement idiot vu que le bus doit s'arrêter au bout de la rue puis revenir en arrière. Et souvent, ils doivent rouler en marche arrière parce qu'il n'y a pas de place pour faire demi-tour. Non, ouais, faites pas trop quand même. C'est un peu compliqué votre histoire, mais bon, on va essayer de justement démêler le vrai du faux. Cynthia Isarelli, cette histoire de vieux de qui s'échappe, repos, hein, c'est pas mal ce mignon. Ou la Mongolie, donc la première histoire. Michael Albas. Allez, la première. La première. Catherine Ronvaux. Je vais prendre la Mongolie. La Mongolie pour équilibrer tout. Je suis tenté par le faux arrêt de bus. Le faux arrêt de bus. Comme ça, je le sais pour quand je t'ai vu. Mais tu as l'air. Roulement de tambour pour découvrir l'histoire vraie du jour. Est-ce justement cette histoire avec les vieux qui s'échappent en bus, ou cette histoire de Mongolie à Oulan-Bator avec un bus par rue, Vincent Flibussier ? Eh bien oui, malheureusement, ce sont bien les Allemands qui mettent de faux arrêts de bus pour récupérer les vieux évadés. Mais apparemment, donc j'ai lu quelques articles dessus, j'ai trouvé un responsable d'un home qui explique que c'est très cool parce qu'en fait, ça permet aussi de faire plaisir aux personnes âgées qui peuvent ainsi aller discuter à l'arrêt de bus comme au bon vieux temps, comme si elles avaient encore quelque chose à faire. C'est une citation. Il ferait mieux de leur trouver des activités, de les promener, enfin, ou de faire quelque chose. Mais effectivement, c'est assez horrible. Enfin, je trouve ça délirant. En tout cas, pas loin de la maltraitance à la personne âgée. C'est bien d'avoir mis le doigt dessus, Vincent Flibussier. Merci pour vos histoires. D'autres histoires liées à l'actualité, on en parle dans la suite. Et avec vous, justement, sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux, et vous allez justement vous soumettre à l'exercice dans un instant. Retitrer une information, et cette information parle de ce record de vente d'armes wallonnes à l'Arabie Saoudite. Eh ouais, 60% des armes wallonnes vendues en 2015, selon donc ce rapport de la sous-commission armes du Parlement wallon. Retitrer cette information dans un instant, et faites-le dès à présent sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux. Et attention, après les infos de 17h avec Diane Burgul-Vernet, on aura le plaisir de vérifier ce fameux sondage. On en a parlé il y a quelques minutes avec notamment notre cher Michael Albas. 19% donc des francophones wallons voteraient pour la NVA. Sondage que nous avons, eh bien, on a fait le test. On s'est plié aux gens. Les résultats sont saisissants. Effectivement, restez presque sérieux, restez sur la première. On s'informe, je le disais, à 17h. Et toute l'équipe vous accompagne. Vincent Flibussier, Michael Elbaz, Catherine Ronvaux, Cindy Aizarelli, Vincent Flibussier, je le disais, Raoul Reyers. Et Walid. En ce mardi que je vous souhaite excellent sur la première. A tout de suite. À la maison, profitez plus et payez moins grâce à l'Internet et à la télévision digitale d'Orange. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. On est toujours gagnant chez Intermarché et plus encore ce samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaires en magasin. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. La solidarité nous fait tous avancer. CBC, décidez d'avancer. Un overboard, ça peut être considéré comme un véhicule de société. Oui, hein ? Le progrès est passionnant, mais pas sans risque. Vivium Assurance, plus d'infos chez votre courtier. Chérie, tu ne m'emmènerais pas au cinéma samedi soir ? Bonne idée, mais qui va s'occuper des enfants ? Pas de panique, va sur le site de la Ligue des Familles. Il y a plus de 1500 babysitters formés et encadrés. T'as raison, regarde, j'en trouve déjà 5 dans notre commune. 5 ? La Ligue des Familles.be, toute l'offre babysit en un clin d'œil. La Ligue des Familles, des solutions pour chaque parent. RTBF présente Mix City. Bruxelles, oh Bruxelles. 2017, c'est l'année de la diversité à Bruxelles. Alors venez vous mélanger à Hello Mix City. Grand concert d'ouverture avec 120 artistes, 20 pays, 10 langues, 2 scènes et c'est gratuit. Hello Mix City, Mont des Arts, vendredi 30 septembre à 18h. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, BX1 et Le Soir. La Monnaie présente Macbeth de Giuseppe Verdi. La nouvelle saison de La Monnaie s'ouvre avec cet opéra troublant d'après la tragédie de William Shakespeare. Un monde sans sommeil, où l'angoisse et le doute dévoilent la part des ténèbres enfouies en chacun de nous. Macbeth, un voyage au bout d'un cauchemar surréaliste. Plus d'informations sur lamonnaie.be avec La Première. La Première. Météo. Bonne fin de journée à tous. On aura connu une journée assez disparate avec du soleil parfois généreux dans le centre du pays. Un ciel qui est resté plombé sur le sud du Sillon-Sambre-et-Meuse. Demain, heureusement, les éclaircies seront cette fois pour tout le monde avec un temps sec. On attend de 16 à 21, voire 22 degrés. Le vent restera faible. Jeudi, encore de bonnes conditions avec un ciel qui va se couvrir au fil des heures. Une faible zone de pluie affaiblie pourrait traverser notre pays dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, sans doute encore assez bien de nuages le matin, quelques gouttes possibles, puis ensuite retour d'éclaircies, un temps sec aussi qui se profile pour la journée de samedi. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, l'Engie Electrabel. La Première. 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir, Diane. Bonsoir. La victoire ce soir des étudiants en médecine. Ceux qui ont réussi leur première année mais raté le concours peuvent passer en deuxième. Deux décisions de justice sont tombées aujourd'hui. Non, traité de libre-échange avec les États-Unis et le Canada. La mobilisation se poursuit en Europe pour dénoncer le TTIP et le CETA, mobilisation qui passe par Bruxelles. Des milliers de personnes sont réunies dans le quartier européen. On y rejoindra Françoise Berlaimont. Et on imagine bien que cette manifestation cause des embarras de circulation. Pierre Collard-Bovy. Oui, Diane, ben des embarras, on ne sait pas encore très bien, mais beaucoup de rues sont fermées, évidemment, et les tunnels aussi. Les tunnels cinquantenaires, Loire, hier ce centre, ainsi que le tunnel Joyeuse Entrée, sont fermés en direction du centre. Toutes les rues perpendiculaires à la rue de la Loi, qui est fermée également, sont à présent fermées, ainsi que les voies d'accès au rond-point Schumann. Alors l'avenue des Arts entre les rues Guimard et la Loi est fermée à la circulation également. La justice donne donc raison aux étudiants en médecine reçus collés. Deux décisions sont tombées aujourd'hui dans cet épineux dossier, une du tribunal civil de Nivelles et l'autre de Namur. Dans les deux cas, le juge estime que les pouvoirs publics sont fautifs. Ils ne peuvent pas empêcher les étudiants reçus collés de s'inscrire en deuxième année, François-Louis. Ils n'ont pas gagné la guerre, mais c'est tout de même une fameuse bataille. Les tribunaux civils de Nivelles et de Namur estiment que les étudiants reçus collés, ceux qui ont réussi leur première année de médecine, mais qui ne sont pas bien classés au fameux concours, peuvent néanmoins poursuivre leurs études et s'inscrire en deuxième année. À Namur, ils étaient une trentaine à avoir intenté un recours, comme Marie Le Bail, qui était très émue à la sortie du tribunal. Je sentais mon cœur battre et quand elle l'a dit, enfin, on s'est battu depuis juin. Oh, je suis désolée. Ça fait vraiment du bien de savoir qu'on est reconnu et qu'on peut continuer à faire ce qu'on aime, les études qu'on aime. Et enfin voilà, moi j'ai toujours voulu faire ça et je suis vraiment contente de pouvoir savoir que je peux passer en bac 2. Je m'inscris dès ce soir, ajoute l'étudiante en médecine qui a suivi les premiers cours de l'année en élève libre, comme beaucoup d'autres reçus collés. Ces décisions de justice ne valent en principe que pour les reçus collés qui ont introduit un recours en justice. Le sort de tous les autres, environ 150 étudiants, se jouera dans les heures ou les jours qui viennent. Mais on voit mal, vu ces décisions de justice, comment le ministre de l'Enseignement, Jean-Claude Marcourt, pourrait leur refuser l'accès à la deuxième année d'études. Jean-Claude Marcourt avait déjà prévenu que si les tribunaux décident qu'ils peuvent passer à l'année suivante, ils se conformeraient à la décision. La FEF, la Fédération des étudiants francophones, se félicite ce soir de ces décisions de justice. Hendrik Veuille et Verl Wouters s'entretiennent avec leur président de parti Bart De Wever. Les deux députés NVA ne sont plus les bienvenus au sein des nationalistes flamands. Ils sont écartés après avoir ouvertement critiqué Bart De Wever et son intention de renouveler une coalition suédoise après les élections de 2019, mais sans agenda communautaire. Les deux députés doivent à présent décider s'ils restent ou quittent la NVA. Une grève générale avait été prévue par les syndicats pour le 7 octobre. La décision avait été prise au printemps dernier. Mais depuis, tant le syndicat libéral que la CSC avaient décidé de ne pas suivre le mouvement. Les instances de la FGTB se sont réunies ce matin. À leur tour, elles ont décidé de ne pas maintenir la grève générale du 7 octobre. Cela dit, la manifestation du 29 septembre en front commun est maintenue. Et du côté de la FGTB, on prévoit encore toutefois des actions ciblées et symboliques le 7 octobre, mais donc plus de grève générale. Non au TTIP et au CETA. Après l'Allemagne, il y a quelques jours, c'est Bruxelles, la capitale européenne, qui accueille la mobilisation des opposants au traité de libre-échange entre les États-Unis et le Canada. Il y a des agriculteurs, des syndicats, des mutuelles, des associations aussi qui s'inquiètent. Ces traités visent à libéraliser un maximum le commerce transatlantique et ce serait dangereux, pensent ces associations, pour les normes sociales ou environnementales européennes. Une grande manifestation dans les rues de Bruxelles. On y reviendra dans un tout petit moment. D'abord, la violence en République démocratique du Congo. Hier, une manifestation pacifique de l'opposition a dégénéré. Le bilan varie. Le ministre de l'Intérieur campe sur un nombre de 17 morts, dont 3 policiers. Mais l'ONG Human Rights Watch parle, elle, de 37 morts. Et cette nuit, plusieurs sièges de partis d'opposition ont été incendiés. Il y a encore eu des morts. Kinshasa gronde. Cette colère se tourne contre le président Kabila, accusé de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de la limite fixée par la Constitution, Françoise Walmack. Oui, à Kinshasa, la manifestation d'hier était pourtant autorisée, mais très vite, ça a mal tourné. La police a tiré dans le tas à balles réelles. Les manifestants ont réagi. Un policier est lynché, des pneus brûlent. Plusieurs bâtiments de partis proches du pouvoir sont incendiés. Bilan donc, sans doute, plus de 30 morts. Et cette nuit, ce sont les locaux de 3 partis politiques de l'opposition qui sont à leur tour incendiés, avec des habitants coincés à l'intérieur. Parmi ces locaux, celui de l'UDPS, le parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, écoutez son fils Félix au micro de notre correspondante Wendy Bashi. C'est une milice lourdement armée qui est arrivée ici. D'après les témoignages des victimes, c'est une milice composée de gens qui parlaient anglais et un swahili de l'Afrique de l'Est. Donc on pense au Sud-Soudan parce que nous avons des infos selon lesquelles le régime actuel utilise dans ses rangs, dans les rangs de la police, des gens qu'on déguise en policiers, des milices du vice-président Machar du Sud-Soudan qui étaient mises en débandade. Donc ces troupes, comme vous le savez, sont rentrées sur le territoire congolais. Et le régime, évidemment, comme c'est un régime barbare, il en fait une main d'œuvre. Des propos recueillis par Françoise Walmack. On revient à Bruxelles, la capitale européenne qui accueille la mobilisation des opposants au traité de libre-échange entre les États-Unis et le Canada. Non au TTIP et au CETA. Bonsoir Françoise Berlaimont. Les opposants sont donc venus par milliers à Bruxelles. Oui, on attend à peu près 10 000 manifestants. C'est une manifestation sous très haute surveillance, mais surtout très colorée. Vert, jaune, rouge, bleu, orange. Les couleurs des syndicats, des partis politiques, des ONG, des associations de solidarité, des fédérations agricoles. La manifestation fédère largement toute la société civile européenne. Beaucoup de jeunes sont présents et actifs dans cette manifestation. Ils craignent une Europe vendue pieds et poings liés aux multinationales. Avec le TTIP et le CETA, fini les droits syndicaux, les droits des travailleurs, fini les normes environnementales qui assurent la santé des consommateurs. Le TTIP, c'est la porte ouverte à la libéralisation de secteurs entiers. Cette grande manifestation se met en route en ce moment même, rue de la Loi, vers le rond-point Schuman, où une grande flash mob est prévue vers 18h30 après les discours. Merci Françoise. Françoise Berlaimont avec Stéphane Crombin pour suivre donc cette manifestation pour dire non au traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis et le Canada. À New York, à présent, il est largement question du conflit syrien au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. La trêve instaurée le 12 septembre était mal en point depuis le week-end dernier. Mais hier, après que l'armée syrienne a annoncé la fin de la trêve, un convoi de 31 camions chargés d'aide humanitaire a été pris pour cible. Résultat, 20 morts et 20 personnes et un membre du personnel du Croissant-Rouge syrien ont été tués. L'ONU a donc décidé de suspendre les ravitaillements destinés à 4 villes. À nouveau, la trêve n'a pas tenu. À nouveau, les diplomates américains et russes tentent de la rétablir, Françoise Nissin. Oui, alors si elle n'a pas tenu, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est moribonde? C'est un peu ce qui se passe pour l'instant. Pour le secrétaire d'État américain John Kerry, cette trêve n'est pas morte. En marge d'une réunion internationale sur la Syrie, il a revu Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, avec qui il avait négocié au début du mois cette fameuse trêve. Mais l'accord est resté secret et même l'opposition syrienne ne connaissait pas le contenu de cette trêve. Alors, elle n'a tenu que quelques jours, à Alep en tout cas, mais des combats ont repris dans d'autres régions. Et puis, il y a eu samedi dernier la bavure américaine dans l'est du pays. Les Américains croyaient viser une position de l'État islamique, mais ils ont frappé une position de l'armée syrienne, faisant 60 à 90 morts. Alors, vous imaginez, fureur de Damas et de Moscou. Bref, cette trêve était très mal en point. L'armée syrienne a annoncé hier la fin de la trêve. En tout cas, elle dément, comme Moscou, être à l'origine de cette attaque contre ce convoi humanitaire de l'ONU hier au sud-ouest d'Alep. C'est en tout cas une violation flagrante du droit humanitaire international. C'est ce qu'a souligné le président du CICR. Qui est l'auteur de ce nouveau drame? Des groupes rebelles, les gouvernementaux syriens ou leurs alliés? L'Office des Nations Unies pour les affaires humanitaires demande une enquête. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à New York, devant l'Assemblée générale de l'ONU, ni Moscou ni Washington ne veulent endosser le tout mauvais rôle, celui de fossoyeur d'une trêve, même si c'est un semblant de trêve. Merci Françoise et merci à vous de nous être fidèles. Il est 17h10. Toute l'info est sur rtbf.be. Vous souhaitez garder de l'argent pour vos enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Bienvenue sur La Première, c'est toujours presque sérieux. Merci Diane, retour dans l'information dans 20 minutes maintenant avec Arnaud Reussen pour Soir Première. La Première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Une relecture de l'info, c'est ce que nous vous proposons tous les jours de la semaine durant une heure et demie. Oui, nous sommes presque sérieux. Un état d'esprit que vous partagez nombreux et nombreuses avec nous tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. 7 jours sur 7, une heure et demie de plaisir avec de beaux esprits qui vous accompagnent pour relater justement leur bonne humeur, leur esprit cinglant et pertinent. Celui de Michael Albas qui nous accompagne. Bonjour Walid. Il y a Catherine Ronvaux autour de la table. Bonjour Walid. Il y a Raoul Reyers. Ainsi que Walid. Ah ouais, c'est vrai, je suis Il y a dans la place également Cynthia Isarelli. Mais bonjour. Bonjour Cynthia Isarelli. Et enfin Vincent Flibustier. Bonjour tout le monde. Et il y a une info. Une info. On parle beaucoup du TTIP. Hein, vous l'entendez quand même. Mais le TTIP à l'envers, ça fait quoi? Pitt. Ouais. Brad Pitt. Brad Pitt. Et Angelina Jolie, c'est fini. Non. Ah, non. Je vous promets. Depuis quand? Bah, depuis maintenant. Ils l'ont dit dans le journal. Non, ils l'ont pas dit dans le journal, mais je vous l'annonce. Elle vous a appelé? Vous mentez. Mais je vous promets que c'est une vraie info. On l'a encore vu hier au Brad Pitt. Oui, ben là, c'est fini. Là, c'est fini. Et la question qui se pose maintenant, c'est qui va garder les huit gosses. Hein, parce que. Ils vont les rendre. Hein. Je sais pas. C'est dans la question. Ils vont les revendre. On va les jouer au poker. Non, mais vous imaginez le truc. C'est Madonna. Elle va les adopter. Donc voilà, c'est une info dont on ne traitera pas aujourd'hui, hein, je vous le dis tout de suite, mais Angelina Jolie, Brad Pitt, demain. C'est fini. Oh, peut-être demain on en parlera, mais aujourd'hui non, pas du tout. Par contre, on va s'intéresser à l'actualité du jour avec, entre autres, Cynthia Isarelli. On parlera de quoi dans un instant avec vous? De la nouvelle publicité Ikea. Ah, et puis on vérifiera un sondage, celui qui nous annonçait il y a quelques temps dans la presse que 19% des francophones wallons voteraient pour la NVA. En attendant, une autre info, celle du record de vente d'armes en Arabie Saoudite. Un record de vente d'armes wallonnes, s'il vous plaît, c'est parti. C'est presque sérieux. Sur la première. Eh oui, la Wallonie n'a jamais exporté autant d'armes vers Riyad, un montant total de 575,8 millions d'euros, soit 60% du chiffre d'affaires wallon dans le secteur. Le précédent record avait déjà été atteint par ce même pays en 2014, avec seulement 396,9 millions de ventes d'armes donc à Riyad. Vous imaginez, chaque année, ils achètent pour des millions d'armes. C'est parce qu'ils sont collectionneurs, entre autres. Ça doit être ça, à mon avis, ça doit être ça. Et dans le détail, les exportations vers l'Arabie Saoudite, impliquées donc dans le conflit au Yémen, concernent en 2015 des armes à feu, des canons ou mortiers, des munitions, des roquettes, des tanks et des véhicules blindés ou pièces détachées. Bref, il y avait pas mal d'argent exporté et pas mal d'armes surtout, enfin pas mal d'argent importé, pas mal d'armes exportées. Comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information, ce record de vente d'armes wallonnes à l'Arabie Saoudite? Raoul Reyers. Tu es wallon, ton entreprise de tarteau riba de lait vend des armes aux Saoudiens. Tu verras, ton niveau de vie va exploser. Ouais, c'est pas mal ça. Tarteau de jot. On va demander à Cynthia Isarelli. En Wallonie, l'argent n'a pas d'honneur. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est beau. Ça, c'est très, très, très, très beau. Je le mets je le mets juste derrière, devant Raoul Reyers. Raoul. Faites comme vous voulez, c'est vous le chef. On va demander à Catherine Ronvaux ce fameux record de vente d'armes wallonnes à l'Arabie Saoudite. Tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira lancera une roquette. Ouais, pas mal, c'est pas mal. Vincent Flibustier. Ok, merci. Voilà, c'est un peu triste. Et c'est pas mal ça. Après, bah oui, après bref, on pourrait faire une nouvelle série. Ça pourrait. Ouais. Juste le mec qui souffle tout le temps. Ça pourrait être génial ça. Je note. Encore une idée. C'est une idée par émission. C'est pas mal ça. Et enfin, Mickaël Albas. Là, mec, on peut dire que la Belgique est un royaume muni. C'est beau. On a pas mal de jeux de mots par rapport à l'Arabie saoudite. C'est la question qu'on ne pose plus à Airstal. C'est beaucoup de nos auditeurs qui nous envoient question et ce retitrage de cette information que vous faites également du côté de chez vous sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux. Page sur laquelle il y a encore des cadeaux à gagner, je vous le disais. Des places pour le théâtre de poche. On vous invite à aller applaudir Arc-en-Ciel pour l'Occident chrétien écrit dans les années 60. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux. Avant d'accueillir notre presque star, et si on s'intéressait à ce fameux sondage? Eh bien justement, faisons notre sondage. Alors, petit tour de table rapide, on parle de 19%. Autour de la table, à votre avis, qu'est-ce que ça va donner notre sondage à nous, Cynthia Isarelli? 1%. Mon avis, c'est moins. Catherine, 3%. Oui, 2. 2%. À mon avis, vous avez encore été appelé le Dolez du coin pour commander du hachis ou un truc qui n'a rien à voir. Combien pour cent? 3%. Raoul? Moi, je dis juste que le résultat est saisissant. Alors, on le rappelle, 19% des francophones wallons voteraient pour la NVA. Est-ce vrai ou pas? Réponse tout de suite. Et pendant ce temps-là. C'est presque sérieux. Et pendant ce temps-là, 19% des wallons voteraient pour la NVA. Vérification. Allô? Ja, goedendag, meneer Giel. Spreek Frans? Ja, het is geven van de NVA. U gaat voteren van de NVA? I do not understand. Ja, het is geven van de NVA. Van de Bart de Wever. Ah, Bart Wever, ja. Ja, we gaan van een poster een carte de membre gekregen. Nog staat niet, sorry. Hallo? Oui, bonjour, monsieur, secrétariat wallon de la NVA, l'appareil. Ça m'intéresse pas du tout de vous répondre, voilà. Vous voulez une carte de membre? Ni carte de membre, ni de parti, ni de l'autre. Ok. Voilà. Un poster dédicacé de monsieur de Wever? Oui, oh, non, rien du tout, sûrement pas. Bonjour, goedendag. Hallo? Ja, goedendag mevrouw. Hallo. Het is de secretaris van Bart de Wever voor de NVA. NVA? Ja. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Normaal, que vous allez peut-être voter pour le NVA. Mais NVA, c'est quoi? Le parti politique de meneer Bart de Wever. Je connais pas. La NVA. Ouais, et alors? Vous allez voter? Oui, et alors? Pour la NVA. Oui. De Bart de Wever. Ouais. Mais que voulez-vous? Het is van de schijf van de partij. Hallo? Hallo? Ja, goeiendag meneer. Het is de secretaris van meneer Bart de Wever, aan de lijn. Ah, ik zal niet. Ja. U gaat voteren voor meneer Bart de Wever? Nee. Van de Bart de Wever? Nee. Pardon, je suis un pote. Quoi? Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Donc, d'après ce fameux sondage sur 4 personnes appelées, 0 voterait pour Bart de Wever. C'est vraiment, à mon avis, votre plus grande peur quand vous faites ça, c'est de tomber vraiment sur un mec qui parle néerlandais. Mais même si je tombe dessus, il n'y a pas de problème. Il raccroche. Je gère, monsieur. Je suis de dire qu'il est d'une autre région. Oui, c'est vrai. Je gère. Bon, en attendant, intéressons-nous à ces personnes qui font parler d'elles dans la presse, ces fameuses anonymes, nos presque stars. Il y en a une que nous accueillons sans plus attendre. Elle s'appelle Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Ah, Catherine, petite voix, voix très douce. Merci. Je vous en prie. Et vous saurez dans un instant pourquoi Catherine a une voix assez douce. Puisque c'est peut-être en lien avec... Bah c'est Catherine Ronveau. La raison pour laquelle on parle d'elle dans la presse. Vous allez avoir 1 minute 30 pour tenter de le découvrir. C'est parti, posez-moi les questions que vous souhaitez. Je ne réponds que par oui ou par non. Elle parle aux enfants, non. Elle a bu 10 litres d'adoucissement. Elle est chanteuse, non. Elle parle aux oiseaux, non. Elle consomme des substances illicites. Non, elle fait quelque chose. Elle chasse quelque chose. Elle chasse. Voilà, je vous aide. Ah, elle chasse les Pokémon. Un indice. Écoutez l'indice. Écoutez. Pot d'échappement. Elle chasse des papillons à moteur. Elle chasse des papillons à moteur. Non. Elle tire sur les voitures. Elle chasse les pollueurs. C'est pas faux. On n'est pas très loin. Chasse les gens qui roulent trop vite. Non. Elle incite les gens à rouler moins vite. Non. Elle chasse le bruit. Ah ! C'est une chasse. La pollution sonore. Effectivement, Catherine Ronveau. Eh oui, Catherine Lecointre est chasseuse de bruit à Bruxelles Environnement. Elle va nous en parler puisqu'en milieu urbain, les agressions auditives sont permanentes. 70% des Bruxellois estiment que le bruit est l'une des nuisances environnementales qui affectent le plus leur qualité de vie. Et plus de 50% des plaintes qui leur parviennent concernent donc ces nuisances sonores. Vous saviez, dimanche c'était la journée sans voiture, c'est la semaine de la mobilité, mais donc aussi la semaine qui dit journée sans voiture dit aussi journée sans bruit. Sans voiture. Ah, sans voiture et sans bruit, forcément. Elle va nous en parler. Catherine, comment est-ce que vous chassez le bruit? Alors, en fait, le vrai terme de mon métier, c'est analyste de niveau de bruit. Même si chasseuse de bruit, c'est très sympa et ça fait plus aventurière. Oui, ça fait un peu Pokémon, alors... c'est vrai. Tout à fait. Donc, en fait, le service pour lequel je travaille à Bruxelles Environnement, on charge la gestion du réseau de mesure du bruit. Ah oui, effectivement. Gestion du bruit. Mais le bruit, la chasse aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un problème de connexion avec votre téléphone, ma chère Catherine. Ah, mais je ne sais pas faire mieux, malheureusement. D'accord. Ne bougez plus. C'est un fixe. On me dit pas. Non, c'est un softphone. Donc, un softphone. Ça passe par le PC. Ah, d'accord. Ok. Alors, au niveau des décibels, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Combien de décibels il y a, par exemple, combien de décibels fait une voiture? Mais ça dépend très fort de la voiture et aussi de la manière dont on la conduit. Donc, ça, je pourrais pas vous donner une généralité par rapport à tous les véhicules. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez comparé, par exemple, le bruit avenue de la Loi un jour de semaine normal et ce fameux dimanche. Et la différence est plutôt flagrante. Fait, oui. C'est ce qu'on a fait dimanche. Donc, un jour de semaine normale, on est à 80 décibels, voire même peut-être un peu au-dessus. 90 dB quand passait une moto, presque 100 décibels lorsqu'une ambulance est passée. Et puis, lors de la journée sans voiture, on était à près de 60 décibels, un petit peu plus quand des cyclistes passaient en volant et en actionnant leur petite fenêtre. Mais voilà, on avait un gain de plus de 20 dB, de plus de 20 décibels, ce qui est vraiment considérable. Maintenant, la mesure qu'on a faite dimanche était très indicative et intéressante, mais pour être plus rigoureux, on aurait dû comparer les niveaux mesurés un autre dimanche, évidemment, puisque le trafic de semaine n'est pas le même que le trafic du week-end. Mmh. Et c'est ce qu'on a fait dans un rapport que l'on fait chaque année. On utilise les stations de mesure du bruit qui sont situées en bordure de voirie, voire même autoroute. Mmh. Et on compare les niveaux relevés le dimanche précédent l'opération avec ceux relevés le dimanche de l'opération. Ah ben... Donc, par exemple, à la station de mesure que nous avons en bordure de E411 à Auderghem, donc juste en face du centre sportif de l'ADEPS, on observe chaque année une diminution de l'ordre de 20-25 décibels entre le dimanche saturé et le dimanche précédent l'opération avec un trafic pour un dimanche. L'impact du bruit, effectivement, sur la santé, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est plus d'agressivité, voilà. Hein, dans les relations sociales. En tout cas, on mettra toutes ces infos sur la page Facebook de l'émission et sur le site de La Première, lapremière.be. Catherine Lecointe, analyste du bruit et pas chasseuse de bruit, même si c'est mignon. C'est très sympa. En tout cas, on vous embrasse, Catherine. À très bientôt et continuez à chasser, à analyser le bruit, tout ce bruit, justement. Et nous allons faire du bruit autour de l'actualité, mais du bruit sain, qui fait plaisir aux oreilles, au mental, à l'esprit. C'est signé Cindy Azarelli. On s'intéresse à cette campagne de pub signée IKEA. C'est dans la suite de C'est Presque Sérieux. Chez nous, à la Ross & Witchcraft, le client est roi. Et le client, c'est vous. Stéphanie, c'est le moi. Même si ce n'est pas votre métier, nous vous ferons sentir votre importance. Vous savez, vous ne viendrez pas chez nous par hasard. C'est Presque Sérieux sur La Première. Mitsubishi chez Renversante, condition septembre en. Vous voulez dire en septembre, condition renversante chez Mitsubishi? Ça c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, condition renversante sur toute la gamme. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut! C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique! D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va! Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit, Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Avec la une et la première. Hello. Fuoco a mare. How many people? Un film bouleversant sur Lampedusa. Le lieu d'entrée en Europe de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en quête d'une vie meilleure. Fuoco a mare, ours d'or du meilleur film au Festival de Berlin. Un film étourdissant. Ce mercredi au cinéma. La première. Mobile Info. Et à 17h, presque 25 minutes, que se passe-t-il sur nos routes? Pierre Collard-Bovis. Des ennuis évidemment dus à la manifestation. On rappelle que les tunnels cinquantenaire Loire hier se centre ainsi que le tunnel Joyeuse Entrée sont fermés à la circulation en direction du centre. Toutes les rues perpendiculaires à la rue de la Loi qui est elle-même fermée sont à présent fermées ainsi que les voies d'accès au rond-point Schumann. Avenue des Arts entre les rues Guimard et Loi est fermée à la circulation. Le cortège vient seulement de démarrer il y a 5 minutes peut-être, donc avec un peu de retard. Un accident signalé sur le ring de Bruxelles en intérieur à hauteur de Grand Bigard, la bande du milieu neutralisée vers Zaventem, ce qui donne Zaventem Carrefour Lonard 19 minutes supplémentaires et en extérieur Zaventem Grand Bigard plus 22 minutes. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Salut, c'est Hip et j'ai une grande nouvelle. Cette semaine dans votre hypermarché Carrefour, offrez-vous une Opel Corsa en leasing privé pour BAM 178 euros par mois, tout compris. Plus d'infos sur directlease.be. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Et dans une pub qui fait le buzz, IKEA aborde une nouvelle façon, une nouvelle fois en tout cas, la question délicate des enfants de parents divorcés. Un petit garçon part pour la première fois chez son père divorcé et, surprise, il découvre qu'il lui a refait exactement la même chambre que chez sa maman. Au détail près, c'est beau, c'est poignant, c'est la magie IKEA ou pas, n'est-ce pas, Cindy Azarelli? Eh oui, parce que dans la grande famille, on vous prend pour des cons, mais vous aimez ça. On peut compter sur trois valeurs sûres, hein, IKEA, Apple et Georges-Louis Boucher, dont le point commun est que leur omniprésence médiatique est inversement proportionnelle à l'épaisseur du produit. Alors, fidèle à l'adage, plus c'est gros, plus ça passe, IKEA réinvestit une fois de plus les impôts qu'elle ne paiera pas dans une campagne publicitaire tellement larmoyante que si Di Rupo avait le cœur sur la main, il pourrait postuler au casting de Stigmata de Le Retour. Bon, la pub étant en suédois, permettez-moi de vous en servir ici une interprétation commentée. Voici la maison de la famille Prols. Assis dans sa chambre IKEA sur son petit lit skrufle, un petit garçon, appelons-le Chris. Le petit Chris Prols a le regard triste sous sa coupe au bol. Il fixe sa chaise de bureau crue de hutte et attend que son papa vienne le chercher pour le week-end. Car oui, par le drame si banal du divorce, la famille de Chris Prols vient d'être réduite en miettes. Le papa Prols sonne à la porte, la maman Prols lui ouvre. Ils s'échangent un « hoi » poli mais froid et un regard lourd dans lequel on perçoit encore beaucoup de ressentiment ainsi qu'un reste de tension sexuelle non négligeable. Actor studio aussi. Serrant nerveusement son petit sac à dos, le petit Carl, Chris, whatever, part avec son papa pour son premier week-end loin du nid familial bucolique. Papa habite en ville, dans une triste tour grise, avec un ascenseur. La porte s'ouvre et là, oh surprise, papa Prols a recréé à l'identique sa chambre IKEA, comme à la maison. Même l'isclevre à 69 euros, même lampadaire au coton-tige recyclé à 19,99 euros. Même rideau peint par une designer vietnamienne sous LSD à 4 euros du mètre. Moralité, oui petit Chris Prols, ton monde s'écroule, ton univers est déchiré en deux. Tu découvriras sans doute bientôt les vicissitudes des jeux de pouvoir et d'influence réservés aux seuls enfants de divorcés. Tu connaîtras les crises de désespoir solitaire, le chantage affectif et les pieux mensonges qu'on fabrique minute quand on te demandera si tu préfères aller chez maman ou chez papa. Tu sauras que l'amour, c'est pas éternel et que le Père Noël passe deux fois plus souvent quand les parents sont divorcés. Mais grâce à ta double chambre IKEA parfaitement répliquée, le traumatisme de devoir t'habituer à un nouveau papier peint te sera épargné. Car oui, IKEA pense avant tout à ton bien-être, à toi. Petit Chris Prols, petit migrant de la vie. Et tandis que tu feras la navette entre les épaves d'un mariage raté, tu pourras toujours te raccrocher à cette bouée rassurante qu'est ta minuscule chaise de bureau crue de hutte, identique chez papa et maman. Et d'ailleurs, en grandissant, tu emporteras cette chaise partout avec toi. À l'école, au camp scout, à ton entretien d'embauche, quand tu perdras ta virginité, à l'enterrement de ta mère, oui, cette chaise de bureau crue de hutte sera ton phare dans la nuit, ton étoile polaire dans les tourments d'un monde où tout est différent et incertain. Parce que la vie, petit Chris Prols, c'est pas une pub IKEA. La vie, tu sais ce qu'elle leur fait au petit Chris Prols. Cindy Azarelli qui revisite l'actualité pour nous comme vous l'avez fait autour de cette table. Merci à Catherine Ronvaux, merci à Mickaël Albas, merci à Vincent Flibussier, merci à Raoul Reyer. Ces missions à retrouver sur le site de la... Ne vous étouffez pas Cindy, ne vous étouffez pas ma petite Krugbruck. À retrouver, je le disais, sur le rtbf.be/ovion. On se retrouve demain dès 16h pour un nouveau numéro de C'est presque sérieux. On s'intéressera à un journal et un quotidien, un trimestriel si je ne dis pas de bêtises, Médor. Ouais, ils seront avec nous, en tout cas on en parlera avec eux. Merci à vous d'être presque sérieux. Rendez-vous demain 16h et rendez-vous tout de suite avec Arnaud Reussen et Soir Première. La 2 en télé. Joël Scorine s'entoure d'une nouvelle équipe de chroniqueurs pour recevoir la star de la rentrée, Virginie Efira. Cette jeune maman semble réussir tout ce qu'elle entreprend. Soyez au rendez-vous pour découvrir cette bonne vivante sans chichi. Ce jeudi soir, Virginie Efira est en direct sur les 2.